une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions en compagnie de Claire Plutineau et de son chien Hagen au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramat, dans le Lot. Deux personnalités qui se complètent, un lien très spécial qui les unit. Hagen ne vit que pour moi, il serait prêt à mourir pour moi. Les menaces terroristes sont toujours présentes et la cynophilie n'est pas une science exacte. Il faut enseigner à un maximum de chiens une nouvelle technique, la technique Rex Pemo, la recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Aujourd'hui, Olivia Cohen et François Test vous emmènent à nouveau sur le terrain pour suivre des jeunes stagiaires à quatre pattes. Chien au service de l'État. Olivia Cohen, François Test. Aujourd'hui au CNICG, le Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie, entraînement à la recherche d'explosifs sur personnes en mouvement, communément appelé Rex Pemo. On travaille vraiment toujours en sécurité, dans le sens où on met le chien d'un côté, on met la gamelle tranquillement, parce que vous voyez, là on manipule les croquettes devant eux et tout. Enfin, voilà, vu que c'est quand même des chiens de travail, ils ont des grosses dépenses énergétiques. Et voilà, le midi, ils ont envie de manger. Donc là, ça permet de les mettre tous de l'autre côté, nous préparer tranquillement. Puis même, vous voyez, déjà, ça résonne énormément, alors que vous avez tous les chiens qui aboient parce qu'ils attendent la gamelle et à l'intérieur, voilà. Donc là, on fait comme ça, on ouvre et les chiens, ils viennent manger. Voilà. Ça y est, c'est l'heure de la pause repas après une dure matinée d'entraînement qui a commencé à 9h tapante sur une herbe gelée et sous un ciel brumeux. En tout, ils sont une demi-douzaine de binômes en formation. Je suis Jérôme Deves, donc je suis dresseur au CNICG. Voilà, donc je suis formateur ici depuis plus de 20 ans. Vous êtes pas, vous n'allez pas sur le terrain en opération ? Voilà, je suis uniquement formateur. Donc je suis dresseur instructeur et ouvrier d'État. D'accord, donc vous êtes, oui c'est ça, vous n'êtes pas militaire. Je suis affecté en permanence ici au CNICG pour la formation. Donc c'est vous qui avez inventé la technique Rex Pemo ? Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, l'expérimentation a commencé en 2014, donc avant les événements. Donc, les attentats. Voilà. On a commencé donc avec deux chiens, donc un chien qui à l'époque avait 4 ans, et un jeune chien d'un an, un chien vierge. Comment vous avez mis au point le processus ? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme test ? Mais au départ, on s'est appuyé pareil sur la même méthodologie qu'on utilise en stupéfiant. La particularité, après, c'est de faire comprendre au chien comment il peut marquer une personne qui est mobile. Et comment on lui fait comprendre ça, justement Ouais, c'est compliqué à expliquer un petit peu, mais voilà, tout le travail est basé sur le jeu. Quoi. Le chien, en fait, il doit associer une personne qui est chargée, porteuse. En fait, c'est un compagnon de jeu. Ça peut paraître bizarre, mais tout est basé là-dessus. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les six jeunes gens qui sont là ? Les six nouvelles équipes là, qui sont en formation, depuis là, ils sont leur troisième semaine de formation. Donc deux semaines de travail. Donc là, c'est vraiment les prémices, hein. Il faut faire comprendre au chien. Donc le chien doit lui faire associer l'odeur des explosifs à son jouet. On va charger une personne qui va jouer le rôle du kamikaze, donc le plastron. Et au début, on va associer le jouet, donc à cette fameuse matière. En fait, le chien, il travaille pas, il joue. Voilà, il cherche un partenaire de jeu avec qui il va pouvoir jouer. Est-ce qu'il a conscience du danger, le chien ? Le chien, non, du tout, nullement. Eh ben, on va aller les voir, vos recrues. Vous venez les six... Allez, tu viens aussi ? C'est au milieu du terrain, avec le plastron positif là. Allez, venez. C'est du sperce comme hier. En rôle. Donc pareil, comme pense à ce qu'on a dit, essayez de rester naturel. Ouais, décontracté, on parle, on n'est pas figé, on n'est pas au garde à vous. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on les dispose, on va faire un exercice. De façon à ce que le chien, voilà, on a chargé le positif à le vent favorable, de façon à ce que le vent amène les odeurs sur le chien. Donc là, sur les toutes les personnes qui sont là, il y a une personne, le positive, plastron. Celui qui est habillé en gris, là, voilà. Qui a donc, il y a une matière, il y a de l'explosif à l'intérieur, là, du Semtex, 500 grammes de Semtex. Donc, voilà. Et le but, c'est que le... Le but, c'est que bon, quelqu'un va faire une excitation, justement avec le fameux jouet du chien, il va mimer comme s'il avait le jouet. Il va se mettre dans le cercle. Là, après, on va mettre le chien derrière la tente. Là. On va le ressortir, on va le mettre en œuvre. Comme s'il associe qu'en fait, c'est la personne qui est chargée qui a ce jouet. D'accord. Donc là, le but, voilà, c'est d'associer l'odeur au jouet. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il va servir son nez pour remonter et détecter la personne, justement, porteuse d'explosifs. Allez, c'est bon ? C'est vous qui récompensez ? Oui, parfait, c'est vous qui récompensez. D'accord. Qui c'est qui fait l'excite dans les jeunes? Allez, un volontaire. Enfin, ouais. Même qu'hier, mais... Attends, hein? Ouais, bah, je vais le faire, oui. Ouais, tu le fais. C'est Stéphane. Donc tu vas chercher un petit peu le chien, là. Hein, tu vas l'exciter, tu mimes comme si tu avais le boudin. Ouais. Tu te remets en place. Disparition du chien derrière la tente, là, non visuel. Tu te décales un petit peu, et après il met en œuvre. Hein. C'est bon? Allez, c'est parti. Avec le chien. On va partir de tout le monde derrière, personne sur le terrain. Hein. Allez, c'est parti. Écartez-vous un peu plus vite. India s'élance. On se croirait sur une aire de jeu pour enfants. Un rectangle de pelouse encadré par des gradins, ça et là des portiques, des toboggans et une dizaine de suppléants recrutés pour jouer les cobayes. India fonce droit vers eux, passe de l'un à l'autre, poursuit sa course effrénée, la truffe aux aguets. Bon là, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout parce que la particularité de cette chaîne, c'est qu'elle c'est une chaîne qui a 5 ans. Et jusqu'à maintenant, elle a fait que de la recherche traditionnelle. C'est-à-dire un bâtiment ou sur véhicule, elle a toujours fait abstraction des personnes. Jusqu'à maintenant, pour elle, il n'y avait jamais de matière explosive sur les personnes. Non, voilà, c'est un peu plus compliqué donc, pour elle, pour arriver à lui faire comprendre. Ah, là, elle a compris. Là, ça y est, elle a détecté, mais là, il a fallu le temps. Hein. Ça y est, India a trouvé. Elle marque en s'asseyant face au cobaye chargé. Derrière lui, le maître s'approche tout doucement et jette le boudin par-dessus son épaule. Le chien le chope au vol. Bingo, c'est sa récompense. Oui. India. Après, il faut des chiens, ouais, avec des qualités pour faire ça bien spécifique hein, sur la sélection. Hein. Déjà, il faut des chiens très équilibrés, très sociables, pas du tout d'agressivité envers les personnes. Hein. Parce que bon, quand ils font des missions, eh bien, on peut avoir de tout comme réaction. Hein. Les personnes peuvent très bien venir pour caresser le chien, faire avoir des mouvements de recul par crainte. Donc, il ne faut pas que le chien se déclenche pour éventuellement agresser, hein, pour les mordre. Donc, il faut qu'ils soient très dynamiques. Parce que bon, il y a beaucoup de contraintes et le chien doit rester à la scie et sans bouger tout en travaillant. Hein. Et donc, si un chien un peu mou, il aura tendance à rapidement s'endormir et se désintéresser. Donc, il faut qu'il soit très, très dynamique. Il faut éviter d'avoir de roupies, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. De préférence du gabarit. Bon alors ? Elle est bien, là. Ouais, elle est bien, ouais. On peut dire ça comme ça. Au pied, ça fait quoi si tu le rappelles au pied, là ? Allez, monte un peu le tol. Là. Okay. On va aller passer la journée. Au pied. Okay. Oh. Il dit au pied. T'as votre boudin, quelqu'un en boudin ou quoi? Chup, chup, chup. Au pied, dépêche-toi. Bon, il y a un gros travail d'obéissance à faire. Hein. Là-dessus, à travailler. Il dit au pied. Au pied. C'est le chien qui est très possessif hein, à l'objet. Ouais. Et après, il faut l'ascendance du maître pour alors, qu'il revienne. Quoi. Il faut qu'on règle ça. Au pied, dépêche-toi. Au pied. Alors. David Castanard, ouais, matricule 513 à 411. Ça fait bientôt 21 ans que je suis gendarme et ça fait pas tout à fait 2 ans que je suis arrivé ici. Donc voilà, j'ai plusieurs technicités, mais ma spécialité, on va parler surtout de l'explosif. Donc je suis surtout instructeur en recherche d'explosifs, en RexPMO, et après, hein, bien sûr, tout ce qui touche les chaînes de recherche. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, au bout de combien de temps on devient instructeur comme vous ? Alors mon parcours, j'ai commencé en gendarmerie en tant que gendarme mobile, à peu près 9 ans. Ensuite, je suis parti à une unité de terrain comme gendarme dans un PSIG. J'ai répondu à un appel à la volontaire pour être maître de chien. Je suis venu à Gramma, j'ai été testé, j'ai été formé en recherche d'explosifs. Et après, je suis parti sur l'aéroport d'Orly où j'ai travaillé environ 7 ans. Voilà. Et là, j'ai répondu à un appel volontaire également pour venir être testé pour être instructeur à Gramma, où j'ai réussi et me voilà là depuis 2 ans. Voilà. Alors, comment ça marche ? Voilà, comment on forme un chien à détecter de l'explosif ? Un chien, il faut lui apprendre à chercher sur les gens, d'accord ? C'est pas inné. Donc ben là, cette technicité, elle est vraiment spécifique à ça. On apprend au chien à détecter de la matière explosive, mais portée par un être humain. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il y a du mouvement, parce que c'est sur un être humain, parce que ça peut être un milieu de deux foules. Des fois, on peut imaginer une rencontre sur un stade de foot, on peut imaginer, ben, comme là, dans les bureaux d'élection, c'est que vous allez avoir des files d'attente, des groupements de personnes, ça peut être, pour un match de foot, ça peut être 500, 600, 700 personnes d'un coup qui arrivent, ben, pour le chien, cibler une personne dans tout ça, c'est quand même pas facile, il y a du bruit, il y a des mouvements, les gens ne voient pas spécialement le chien, il peut avoir des coups, il peut avoir des peurs, il peut avoir plein de choses, donc voilà, il faut habituer le chien à tout ça. C'est compliqué pour le chien, c'est beaucoup de responsabilité pour le maître. Mettre une personne à l'écart, peut-être un joug si la procédure le prévoit, qui est censé avoir de produits explosifs dessus, si le chien se trompe, c'est beaucoup de crainte et beaucoup d'inquiétude pour tout le monde. Une soirée de stade avec d'entrée de personne autre, le chien fait 5, 6, 7 faux marquages, vous êtes plus crédible, et puis voilà, les gens, au bout d'un moment, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, tout ça, il faut l'éviter. En faisant ce genre de travail, si un jour ça arrive, si un jour il y a un marquage et tout, on va empêcher forcément qu'il y ait une explosion, on va empêcher celui-là, mais on n'est pas à l'abri qu'il y aura une explosion. Donc si le chien explose, on a de grandes chances d'exploser avec, hein. Parce que la distance entre l'animal et le maître, elle n'est pas très longue. Donc voilà, quelqu'un qui porte 1 kg d'explosif sur lui, c'est pas en étant à 20 mètres que vous serez sauvé. Donc voilà, forcément, on est lié au chien. C'est lui qui nous prévient s'il y a un danger. C'est lui qui nous dit si on doit se mettre à l'abri aussi. Et c'est lui qui nous prévient de tout. Donc oui, on est attaché au chien, il vaut mieux. Et qu'est-ce qu'il a dit remplaçable, un chien au service de l'État ? Qu'est-ce qu'il peut faire que rien d'autre ne pourra jamais remplacer ? Qu'une machine, par exemple, ne pourra pas remplacer, eh bien, l'initiative du chien, d'accord ? La détection de l'odeur, voilà, le fait de pouvoir se déplacer partout, l'initiative, parce qu'il va sentir un petit quelque chose qui lui aura fait une petite étincelle dans son cerveau. Le chien va se déplacer, va suivre, va aller vérifier, et il va voir si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, il reviendra à sa place, il recommencera son travail, ce qu'on ne peut pas faire avec une machine. On ne pourra pas la déplacer, et nous, ce petit truc, on ne l'aura pas. Voilà, le chien, il est vraiment... c'est vraiment... une aide à part entière, quoi. Sans ça, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, c'est sûr. Un nouveau duo entre en piste. Le chien semble nerveux. Il a du mal à identifier la cible. Il marque, enfin. Il attend, fébrile, sa récompense. Et soudain... Putain, alors fais chier, quoi. L'animal mord à laine l'homme au plastron chargé qui tombe à genoux. C'est pas un chien, c'est pas que c'est des chiens méchants, c'est qu'ils sont tellement excessifs que ils veulent tellement leur jouer que si on leur dit bien, ils disent non, moi je veux m'en jouer. Donc c'est des chiens comme ça qu'on veut, mais ouais. Après il faut pouvoir. Non mais ça arrive aussi. Hein, pouvoir doser. Enfin, j'en ai pris un, mais ça arrive. Mais voyez, mais dans le jeu en fait, le chien il vient pour reprendre son boudin et puis il y a le croc, le croc qui passe à côté, mais lui il est content de jouer. Donc c'est pas des chiens qui ont un fond méchant en fait. C'est juste que les chiens ils ont tellement envie de jouer, de travailler en fait que. C'est pas une science exacte. Bah, de toute façon, on travaille avec du vivant, donc il y a des choses qu'on peut pas prédire, il y a des choses qu'on peut pas. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. Juste la peau qui est un petit peu. Mais après, c'est les aléas et les risques du métier, sachant que le risque zéro, bon, il n'existe pas. Ça restera, mais bon, ça existe pas. Et est-ce que là, je vous ai vu réagir Vous lui avez donné un coup sur le museau, mais est-ce que c'est parti tout seul ou c'était nécessaire pour faire comprendre au chien que c'était une bêtise? Il faut lui faire comprendre au chien que c'est une bêtise. Et c'est moi qui suis intervenu parce que bon, c'est le chien et le mariage a été fait depuis 2 semaines. Il n'est pas encore complètement donné au nouveau maître de chien. Donc dans ce type de situation, je préfère moi intervenir de suite. C'est vous l'autorité encore? Oui, encore un petit peu. Ouais. L'entraînement qui est particulier sur ces chiens de recherche d'explosifs sur personne en mouvement, c'est qu'à aucun moment le chien ne doit toucher la personne. On a affaire à un explosif de type TATP, triacétate triperoxyde. C'est ce qu'on appelle nous un explosif primaire, c'est-à-dire quelque chose d'excessivement instable qui peut exploser pour un oui, pour un non, ne serait-ce que des fois un choc, une chute, n'importe quoi, voire une étincelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très instable. Donc l'objectif du chien, c'est de détecter cet explosif, de marquer la personne et de la suivre de façon à ce qu'elle indique bien au groupe qui va être encadrant, qui va être chargé éventuellement de la neutralisation ou moins de l'interception de l'individu, et un autre groupe qui va être chargé de la protection des personnes qui sont autour, de pouvoir le faire dans de très bonnes conditions. Alors moi je suis arrivé déjà en fait avec ma chienne donc India que vous avez vu tout à l'heure. Des tours de... donc qui est déjà formé en ce qu'on va dire en recherche de produits explosifs traditionnels, c'est-à-dire on avait déjà la technicité depuis 2014. Donc on a été sollicité pour venir au stage donc de recherche d'explosifs en personne en mouvement. Moi j'étais volontaire parce que déjà la chienne me présentait des aptitudes, je pense, pour recevoir cette formation, parce que il faut voir que c'est quand même déjà la recherche d'explosifs c'est quand même assez technique et là on rajoute encore des choses assez contraignantes sur les chiens. Là on est quand même sur un flux de personnes qu'on peut nous pas entre guillemets trop contrôler. Donc les gens sont en train de manger, les gens ils ont eu des chiens chez eux, et nous notre chien au milieu de tout ça il doit faire son inventaire d'odeurs, il doit trouver les molécules qui l'intéressent, les molécules qui l'intéressent on va dire. Mais qui ne sont pas de l'explosif, donc le chien il doit être assez fort dans sa tête pour dire ah, ça m'intéresse, mais non j'y vais pas, enfin c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que mon papa il veut, c'est mon papa ce qu'il veut c'est les molécules explosives quoi. Et il doit prendre sa décision en très peu de temps, c'est-à-dire que il doit décider que hop là ça sent et là il faut que j'aille, il faut que je retrouve la bonne personne. Et là après dans ce flux de personnes, il faut qu'il remonte jusqu'à la bonne personne pour nous dire regarde c'est cette personne-là qui sent. Pour qu'après nous on puisse intervenir dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que c'est pour le chien c'est un travail énorme en fait quoi. La REXPEMO, recherche d'explosifs sur personne en mouvement, n'aurait pas pu être mise au point sans le concours de Gringo. Le chien du formateur Jérôme Devez sait tout faire. Il obéit au doigt et à l'œil. Gringo, c'est un couteau suisse, vous disiez. Il sait tout faire. Qu'est-ce qu'il a comme beaucoup comme de choses. Ouais, déjà, il sert à faire une démonstration. Il fait du mordant pour des démonstrations. Il fait de l'obéissance. Il y a une obéissance très démonstrative. Il a fait aussi un petit peu d'avalanche. Il est en recherche d'explosifs traditionnels et REXPEMO. C'est avec Gringo, en fait, on vous a dit créez-nous, inventez-nous de toutes pièces la technicité REXPEMO, et c'est avec lui que... Voilà, que tout est parti. Bon, déjà, comme je dis, on a déjà des acquis quand même, parce qu'on avait l'air les chaînes stupéfiantes, on fait déjà la recherche sur personne, donc c'est appuyé de cette méthode. Donc là, vous avez le harnais en main, et qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Mais là, je vais le conditionner, je vais aller chercher le chien, le prendre en laisse, le conditionner, lui mettre le harnais, et après, on va aller se mettre en place, à l'endroit où on va filtrer donc, les personnes. Et dès qu'on lui met le harnais, ça y est, le chien, il est au travail, il arrête de jouer. Il sait qu'il arrête de jouer, et là, il va se mettre en mode travail. Au pied. On va se positionner ici, hein. Donc on va profiter faire un système d'entonnoir de façon à ce que tous les gens passent devant le dispositif, devant le chien. Hein. Un peu comme si c'était passé pendant l'Euro 2016. Ou... Voilà, c'est ça. On organise des points de filtrage. Oh, puis, non, c'est good. Ils vont passer là. C'est bon. Voilà. Là, vous allez voir, personne n'a laissé renifler toutes les personnes au fur et à mesure qu'ils vont passer. Hein. Donc là, les personnes rentrent. Voilà. Devant. Le chien, il est en éveil. Ouais. Personne. Hein. Il est bien. Là, voilà, il faut les chiens vraiment sociables, hein, parce que vous voyez, ils passent vraiment en contact. Les gens peuvent les caresser, hein. Ça peut arriver. Bonjour. Bonjour. Pareil, il peut avoir le chien vraiment de crainte, de recul. Salut le chien. Bon, malgré ça, il faut que le chien reste concentré et qu'il reste au travail. Et vous, vous redites régulièrement personne? Oui, de temps en temps, pour le reconditionner. Mais bon, hein. Pour qu'il n'oublie pas que voilà. Voilà, le jouet, il est sur une personne. Ben. Oui. Après, on peut faire des séquences de travail comme ça pendant 20, une demi-heure. Hein. Après, ça dépend des conditions, ça dépend du flux de personnes. Hein ? Allez, on ralentit un peu, ça bouchonne. Top. Déjà, le fait d'utiliser ces chiens-là, c'est un aspect dissuasif. Parce que bien évidemment, le terroriste, quel est son objectif? C'est de faire le maximum de mal. Or, déjà, si on peut mettre en place ce type d'unité, eh bien, il hésitera à intervenir. Donc, il y a un aspect préventif qui, lui, est véritablement déjà protecteur. Ça, c'est vraiment important. Après, effectivement, il y a le domaine de l'intervention. Et là, ce domaine de l'intervention, l'objectif, ce sera de faire en sorte de créer un périmètre de sécurité le plus important possible, de façon à isoler les personnes de l'individu. Après, l'individu, effectivement, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est comment il va réagir au moment de l'intervention des équipes. Ça, c'est un événement qu'on n'a pas eu à vivre jusqu'à maintenant. Attention, il y a un chien. Allez, avancez là-haut, j'ai mon concert, moi, dépêchez-vous. C'est l'illusion, là. Allez, on y va. C'est pas tout, hein. Oui, il est tout seul. Personne. Ouais, allez-y, doucement. Personne. Et là, il doit faire le tri entre toutes les odeurs. Là, c'est voilà, les personnes c'est ça, qui ouais. Se présentent. Ouais. Bon, c'est vrai que le chien a une grosse faculté de discrimination. Hein. C'est-à-dire? Il a l'odorat déjà 44 fois plus développé que le nôtre. Il est capable de discriminer une odeur parmi beaucoup d'autres. Quoi. Ouais. Là, ça y est, il a repéré. Non, après là, oui, il a été sur le lire. Mais non, pied. Au pied. Personne. Non, personne. Non. Personne. Le chien, en fait, là, ça arrive que des fois il décroche, il y a une odeur qui va l'interpeller, là, il a besoin de suivre pour aller se confirmer, se relire. Moi, j'ai peur des chiens. Allez-y, monsieur, allez-y. Brosserie, allez-y. Allez-y. Bien, bah, écoutez, je suis l'adjudant-chef Junio, affecté au groupe national d'investigation cynophile depuis 3 ans, et je seconde le commandant d'unité. Donc, vous avez été sur le terrain pendant l'Euro 2016, qui est le gros événement où les RexPMO ont été lancés en situation pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. J'étais donc sur le terrain sur Toulouse, déjà, dans un premier temps, avec un dispositif de 5 chiens. Et nous avions pour mission de sécuriser tout ce qui était fan zone et entrée de stade pour des matchs à haut risque. Et ce qui nous a impressionné, je pense, tous, c'est l'effet de masse. L'effet de masse qu'il y a eu, les spectateurs qui venaient sur la fan zone. Je ne sais pas si vous imaginez filtrer 30 000, 40 000 personnes rentrant soit dans un stade ou dans une fan zone. C'est relativement conséquent. Et de faire le travail convenablement, il y a eu pas mal de, comment dirais-je, d'interrogations. À savoir si on faisait correctement notre travail, si le chien checkait toutes les personnes rentrantes. Tu dis le positif de venir là, hein? T'as entendu Stéphane? Ouais. On a débriefé sur la mission et on a mis en place quelques exercices à l'intérieur du dispositif pour nous rassurer. Ça rassure à la fois le maître chien et le chien, lui, garde sa motivation dans le travail. Donc un exercice, l'exercice c'est un plastron, ce qu'on appelle un plastron, avec une matière inerte ressemblante, c'est un simulateur d'explosifs, quoi, donc avec l'odeur, tout à fait inerte. On l'a fait passer dans la foule avec les gens, le chien marque, ça rassure le maître chien, on voit que le chien marque, ça marche, et ça motive davantage le chien et ça le garde en haleine. Quoi. Voilà. Gringo, là, toujours au taquet. Tac, voilà, il a détecté la personne. Ça y est, il est parti, il est en train de suivre. Là, vous pouvez suivre, si vous le porteur. Ça vous permet de voir. Non, là, il a ciblé. Hein. Donc, là, on est capable d'identifier la personne porteuse. Hein, et si la personne s'enfuit en courant ? Ouais, elle peut courir, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Essaye de courir un peu, change de mouvement. Voilà. Reviens en arrière, reviens vers nous. Là. Fais demi-tour. Donc là, Gringo, il est. Là-bas. Il est devant, il bouge pas, il suit la mule. Bah, en réalité, si le chien marque comme ça, le maître de chien il va pas remonter, donc il va rappeler à distance pour récompenser. Sachant qu'à l'entraînement, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est toujours le maître de chien qui monte, récompense. De la finalité, pour éviter de s'exposer, donc je vais rappeler, hein, à l'aide d'un sifflet. Comme ça, le chien va décrocher et venir se récompenser tout seul. Il a chopé le jouet au vol. Gringo. Oui, bien. Allez, jouer. Rappelez-le pour jouer. Voilà. En fait, vous avez rappelé le chien et pendant ce temps, bah, il y a des personnes qui interpellent voilà, la mule. Voilà, la personne qui la fixe. Hein. Il interroge. Bon, pour ça, c'est le côté opérationnel. Hein. L'ennemi du chien en Rex Pémo, je dirais, c'est la. Faut garder la motivation et c'est peut-être la lassitude. Si on arrive à enchaîner 3-4 matchs dans la journée, le chien, au bout du troisième match, commence à être lassé, quoi. Parce qu'à force de voir des gens passer devant son museau, au bout d'un moment, c'est long. C'est long et faut garder cette motivation. Donc on essaye de restreindre la partie travail et d'avoir une récupération un peu plus importante. En fin de journée, je vous avouerai que les chiens en ont ras-le-bol, quoi. C'est clair et net. En fait, l'idée à l'avenir, Colonel Dallier, c'est que tous les gros événements soient sécurisés par les chiens Rex Pémo. Oui, puisque on est intervenu déjà sur plusieurs grandes manifestations. Il y a eu l'Euro, bien sûr. Il y a eu Handball 2017. On est intervenu à Orly dernièrement. On le fait sur d'autres grands rassemblements. On est impliqué sur d'autres événements. Je vous passe certaines précisions, hein, mais effectivement, oui, de plus en plus, on va être engagé. Et je pense que ces chiens-là ont tout à fait leur place en termes de prévention et de dissuasion, justement pour sécuriser au maximum tous ces grands rassemblements où les gens doivent pouvoir continuer à vivre normalement, y assister et se sentir également protégés. C'était Chien au service de l'État, avec le commandant Dulieu, vétérinaire, le colonel Dallier, le maréchal des logis-chef Plutino, Jérôme Devez, formateur, le gendarme-instructeur Castanard, l'adjudant-chef Junio, et les chiens Lucky, Hagen, India et Gringo. Coordination Christine Bernard. Un documentaire d'Olivia Cohen et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30, mais c'est une autre histoire.